fou d'exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89. C'est fou. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. Laurent Constantin et Marie-Laurence Audet nous rendront visite pour leurs chroniques respectives et le retour tant attendu du segment musico-scientifique de Justine Renaud. Assemblage Rocky commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rocky. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Rocky en ce jeudi 22 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut! Salut! Hi, jeudi! C'est ici que se termine notre semaine, nous, le jeudi à l'Assemblage Rocky. Ben, t'es peu, là, on va quand même commencer l'émission. On va finir ça tout de suite. OK, donc tu veux savoir ce qui s'en vient, si tu comprends bien. Ben oui, j'aimerais ça. Ah, bonne idée. Donc, aujourd'hui, l'émission Marie-Laurence Audet va être là à 8h pour sa chronique Le Loisir, bien plus qu'un jeu. C'est la chronique où on parle de loisirs, de divertissement, de choses qui se passent ailleurs que dans votre chez vous. À date, rien n'a lieu dans. Dans mon appartement. Non, absolument rien. Absolument rien divertissant. Ensuite, à 8h30, Justine Renaud et sa chronique musico-scientifique, scientifico-musicale. Elle nous présente des pièces en rapport avec un sujet de la vie qui est scientifique, qu'elle nous explique en long et en large, qu'elle nous vulgarise. Tout le long. Uh-huh. Oui, ça, c'est pas son genre. Pas son genre. À 9h, le poste d'écoute. Ouais. What's that? What's that? What's that, please? Ça, là, c'est moi, là, je me faufile dans la discothèque. Yo, c'est yo, fou. Yo. Avec ma petite cagoule, là, okay. Parce que c'est super illégal. Une banane à la place d'un gun, parce qu'on sait que c'est une banane. Ah, oh, elle va sortir. Hey, allô? What? Plus vite que téléphone. Son nom. Plus vite que son nom. Oh, me suis trompé de bord. Ah, le cornet de. Le cornet. Ouais, donc c'est ça. Puis là, ben, j'écoute plein de musique. Là, moi, je vais. Ça passe. Je le prends. tu menottes, t'attaches le directeur musical après sa chaise. Oui, oui. C'est ça? Non, il coopère quand même. OK. Une chance. Parce que quand t'as une banane dans l'oreille, t'entends pas les instructions qu'on te donne. Non, attends. Hey, une chance, c'est pas les instructions d'assemblage aujourd'hui. Qu'on est là. Parce que j'ai une banane! What? Bon, on va débuter des fesses. Mais épluchées, ou? Parce que ça rentre moins bien une fois épluchées. Effectivement, ça plie, ça casse. Ouais. Ça se foire. Avant de passer à Laurent Constantin et sa chronique sur l'actualité internationale à titre déterminé, choix du président, ce sera une pièce musicale de Napalm Palm. Non, c'est Napalm Palm. L'émission commence dure aujourd'hui. Telle une banane avant l'épluchement. L'épluchation? L'épluchaison? L'épluchité. J'ai aucune idée. Musique plus. Mountains alone.

On parle pas de carnaval, je crois, dans ta chronique, avant que je me trompe. Non. Un sujet plus sérieux que ça? Ben, on amène des solutions face à des différentes réalités problématiques sur le terrain. Ah, voilà! Voilà! Ah, voilà! Voilà! Voilà, ben, allons-y. Mais en fait, ce matin, je voulais aborder avec vous un article que j'ai trouvé sur les nouvelles compétences écologiques à développer envers les bénévoles. Ah, et ici, écologique est entre guillemets. Avec les mains au complet, tellement sont gros les guillemets, ouais. C'est des gros guillemets, parce que souvent quand on pense à écologie, on dirait qu'on pense composte, on pense vert, on pense, tu sais, à la nature. Mm-hmm. Mais là, c'est plus écologique dans le sens de un cycle de la vie, un système écologique, donc les liens cause à effet, quand on se fait un petit schéma, là, pour parler de l'environnement du bénévole. En fait, la base de cet article-là est que les problèmes qui surgissent présentement en matière de bénévolat, ils peuvent plus être réglés seulement en silo ou à la pièce. Parce que là, on vit des réalités comme du problème du recrutement du bénévole jusqu'à sa rétention. Le problème de l'attente des organisations envers les bénévoles, ainsi que, t'sais, en équilibre, ben, face aux attentes des bénévoles dans la même situation. Des attitudes des usagers envers toute l'espèce de reconnaissance qu'ils ont envers les bénévoles dans leur communauté. Donc, on a vraiment ici des opposés, là, des antipodes, c'est ça? Oui, oui. Des antipodes qui font qu'on ne peut plus régler ça à la pièce. On doit prendre en considération toute la sphère, tous les éléments, tout l'environnement autour du bénévole. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écologie du bénévolat. Mm-hmm. C'est intéressant, hein? C'est cute. Au début, je me demandais qu'est-ce qui se passe avec l'écologie du bénévolat. Ben voilà. Non, mais je me demandais pas ça de même un matin en me levant, mais quand j'ai commencé à lire l'article, je me demandais où c'est que s'en allait le titre. M'a vraiment accroché. Elle se réveille la nuit et puis, oh! L'écologie du bénévolat. Non. En fait, c'est que de nos jours, cette vision-là de l'environnement du bénévole définit l'ensemble des compétences que le professionnel en loisir devrait posséder. Donc, pour se demander, c'est quoi l'environnement du bénévole à prendre en considération? C'est quoi les compétences que nous, en tant que professionnels, on doit posséder? Puis comment on peut avoir accès aux différents outils qui nous entourent? C'est quoi les outils? Moi, là, je suis toute seule dans mon milieu. Tu sais, OK, on fait le baccalauréat, mettons, récréologie. On est tous ensemble, on est une centaine. Après, tout le monde est tout seul dans son milieu. Les outils existent à différentes places. Maintenant, c'est de se passer l'information. Oui, il faut un commis pour te dire dans quelle rangée aller chercher ça, ton outil. Exactement, mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de rassemblements, que ce soit par des colloques, par des groupes Facebook et tout. Il y a beaucoup d'échanges dans le milieu parce qu'on est seul dans notre prof. Tu sais, contrairement à un enseignant qui va dans une école secondaire se retrouver entouré d'enseignants, nous, on est toujours dans des équipes multidisciplinaires, mais le seul représentant de notre secteur. Donc, on va chercher les ressources de notre milieu par nos connaissances qu'on a eues dans nos études et tout. Et dans les différents éléments à prendre en considération dans l'environnement du bénévolat, il y avait tout d'abord, il disait, l'individualisme et l'informalité. La vie associative informelle réunit puis mobilise les gens. Puis on le remarque de plus en plus, la montée, comme ils disent, de l'individualisme, la montée du « je » qui remplace le « nous ». C'est pris en considération, mais en fait, les gens voient souvent ça comme négatif, comme si c'était une problématique à régler dans la société. Pourtant, c'est juste une nouvelle façon de faire, une nouvelle vision. Faut s'adapter comme toujours. Et il faut juste s'adapter à eux. Ça sert à rien qu'on continue de rester bloqué à notre ancienne façon de faire et de penser au collectif. Si on fait ça de même, nos actions, ils viendront pas, t'sais, ils conviendront pas aux valeurs, aux intérêts, aux attentes des bénévoles. Puis c'est intéressant parce que j'avais une citation. Ça disait « Cette individualité ne signifie pas qu'on veuille vivre en solitaire, mais qu'on préfère agir de sa propre initiative en empruntant des véhicules de regroupement en dehors des circuits institutionnels. » Ce que ça veut dire, en fait, quand on parle d'individualisme, on cherche pas à dire « Tassez-vous le nous, moi je pense juste à moi. » C'est qu'on veut sortir de la zone de « Voici ce qui est offert pour les groupes. Nous, on a des initiatives, on a des idées, on les porte. Qui embarque avec moi? » Ça peut sortir. C'est pas nécessairement offert au centre communautaire, c'est pas nécessairement offert à l'école, c'est pas nécessairement offert à la résidence de personnes âgées. C'est des initiatives informelles de personnes qui se regroupent avec des intérêts. Et ça, on le voit beaucoup quand il donnait l'exemple dans les écrits que j'ai lus. Quand il y a eu, par exemple, l'attentat à Boston, il y a personne qui a commandé que quelques jours après, il y ait l'espèce de course de cyclisme. Il y a beaucoup de gens qui ont pédalé pour la cause, pour la soutenir. Mais ça, on voit ça dans différents attentats, dans différents événements médiatiques, que les gens se regroupent et font une action empathique, font une action de reconnaissance, font une action pour souligner avec le Charlie Hebdo et tout. Il n'y a pas une institution qui avait comme mission de s'occuper de ça. Ouais. C'est des regroupements informels de gens qui disent « Nous, on a ça à cœur, on veut montrer notre soutien, on va faire de quoi? » c'est davantage spontané. Exactement, c'est très spontané et on remarque que ça l'a augmenté avec l'utilisation des médias sociaux. Les regroupements sont plus faciles. On l'a vu aussi avec la grève étudiante. Tu colles un lieu, puis les gens qui faisaient partie de ton groupe, de ta page Facebook et tout, qui ont les mêmes intérêts que toi, sont rapidement informés et on centralise les gens à un endroit quand il y a eu les flash mobs et tout. Ça a été des moyens que dans le temps, c'était pas facile de rassembler 200, 300 000 personnes comme ça parce que t'envoies un courriel à qui? Je le connais pas, moi, l'autre, juste dans le village d'à côté. Mais au final, ce groupe Facebook-là regroupe des gens qui sont non plus juste géographiquement à côté de toi, mais c'est par un rassemblement d'intérêts. Des gens de différentes paroisses. De différentes paroisses, de différentes villes, de différents... Mais l'intérêt qui les unit est face au titre de ce groupe Facebook-là. Et on le voit que c'est des rencontres informelles, mais que c'est quand même une vie associative. C'est quand même un regroupement. Ça pense au jeu en dehors de ce qui est offert d'une programmation. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup... Quand on regarde les programmations offertes par les différentes villes, il y a beaucoup de, ou les politiques, il y a beaucoup de places qui ne prennent pas en considération ce besoin d'initiative d'informel-là. C'est comme si on essayait de se dire tout le temps, mais là, il faut briser l'isolement, il faut briser le jeu, il faut briser le jeu. C'est pas négatif, il faut juste savoir dealer avec. C'est parfait, vous pouvez vous rencontrer quand vous voulez, mais la ville a quand même des locaux à votre disposition. La ville a quand même certains budgets, si mettons, vous vous rassemblez, t'sais, mettons, on passe à une grève et autres, tu as besoin de donner du muffins, café. Tu sais, à un moment donné, c'est d'offrir que s'il y a besoin, on peut être là en soutien. Ouais. Pis c'est pas ce qui coûte le plus cher, puis c'est ce qui répond aux besoins, et c'est ce qui fait qu'ils voient après que t'es là pour eux, ils vont plus prendre en considération tes programmations, soit qu'ils vont s'impliquer dans ton conseil d'administration et autres, ou soit qu'ils vont aller participer à tes activités, ou soit qu'ils vont venir parler pour dire « ça nous convient pas, est-ce que ça serait possible de changer? » Donc, tu vas améliorer ton interaction. Le café avec... goûte mauvais. Voilà, mais si personne te le dit, comment tu peux le savoir? Ouais. À un moment donné, c'est ça aussi. Donc ça, c'était le premier élément de l'environnement du bénévole à prendre en considération, tout le côté vie associative, vie informelle. Un autre élément était le bénévolat à multiples visages. En fait, c'est-à-dire que présentement, il y avait un gros changement des valeurs et des comportements des bénévoles qui avait été remarqué dans différentes études. Puis qu'il y avait aussi un changement dans les organisations. Donc, c'est pas d'un côté, c'est pas de l'autre, c'est une évolution de la société. Sauf que faut les prendre en considération les deux pour voir comment intervenir avec nos bénévoles parce que c'est des ressources qu'on a vraiment besoin. Là. C'est la base de beaucoup d'éléments en loisirs, les bénévoles. En fait, ce qui a été remarqué, c'est qu'ils sont de plus en plus difficiles à recruter, que le vieillissement a été très remarqué. Donc, on a une population bénévole beaucoup plus âgée, qu'on a 75 % des heures de bénévolat annuel qui sont effectuées par 25 % des gens. C'est qu'on se ramasse avec le même livrable. Tu sais, on manque pas de tâches réalisées par des bénévoles. Okay. C'est le même... Même nombre de pizzas livrées, mettons. Le même nombre de pizzas livrées, mais avec moins de monde. C'est ça. Fait qu'au final, on appelle les TLM, toujours les mêmes. Ce sont les gens qui, avec la descente du fait qu'il y a moins de bénévoles, ont juste donné plus de temps. Mettons, appelons-les Marie-Laurence Audet, mettons. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de retraités, par exemple, et qui représentent comme... C'est un des éléments. Manque de bénévoles. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de... Comment... Tu sais, on a parlé l'autre fois de la vision de la civilisation du loisir qui n'est pas arrivée, que les gens, avec le peu de temps qu'il y avait, se sont surchargés. Mmh. On a vu que les gens se retournaient beaucoup vers leur travail, dans leur développement. Mais là, ça revient un peu à l'équilibre. Okay. Quand on parlait de la conciliation travail-famille, il y a aussi le fait que les gens veulent s'impliquer. Mais ils s'impliquent plus avec les intérêts. Moi, ma fille joue au soccer, je vais m'impliquer dans l'association de soccer le temps qu'elle est là. Je vais être coach, je vais être arbitre, je vais noter les points. Quand ma fille n'est plus là, je pense à d'autres choses. Mm-hmm. Les gens sont portés dans ce cycle de vie-là d'implication à suivre tout d'abord leurs intérêts quand ils sont jeunes, suivre les intérêts de leur famille et peut-être plus en vieillissant, revenir à la communauté, soit parce qu'ils ont moins de monde autour d'eux, parce que tu n'es plus dans un milieu scolaire, par exemple, parce que tu as 250 amis qui te font une vie sociale, soit parce que ta famille est plus éloignée géographiquement. Les gens ont besoin de se rassembler. Tu sais, c'est un besoin social. Donc, souvent, on va se retourner vers le bénévolat, vers la communauté pour redonner, mais ceux-là sont plus âgés. C'est certain qu'à toutes les tranches d'âge, on a toujours des exceptions qui donnent plus, ce qui nous fait des pourcentages comme ça, mais on a remarqué beaucoup qu'avec le vieillissement de la population, c'est une clientèle. Cependant, il y a quelques années, comme je disais la dernière fois, que le bénévolat était un peu la façon de gagner son ciel, c'était l'implication cléricale, alors que maintenant, c'est plus dans une vision de devoir moral, mais c'est plus par intérêt personnel. Sauf que si je vais par intérêt personnel, il faut que la tâche me tente. Les gens se sentent moins obligés d'aller aider. C'est pas juste, mais là, regarde, il a l'air dans le trouble, il y a personne pour surveiller sa clôture durant son événement, je vais y aller. Moi, ça me tente pas, cette tâche-là. Tu me donnes pas mon repas en échange, tu me donnes pas le t-shirt en échange. Qu'est-ce que j'ai à gagner à venir t'aider? Donc, on est vraiment... égocentré comme mais ça. Mais c'est qu'on a changé de vision. Puis à quelque part, je pense que c'est important aussi de penser... Tu sais, avant, le bénévolat était quasiment vu comme du cheap labor. Ah, il s'en occupera, puis on lui donne pas à manger. À un moment donné, il y a des bases aussi à dire, cette personne-là vient t'aider, y a-tu moyen que tu y donnes en retour? Sauf que c'est pas obligé d'être financier, contrairement à un emploi. Mais ça peut être de dire, regarde, je t'ai aidé là. Tu m'as aidé dans mon événement, je vais aller t'aider pour telle affaire. Ça peut être, regarde, je vais te payer ton repas parce que c'est pendant l'heure de repas. Ça peut être, regarde, je vais te faire une lettre de référence. Ça peut être, regarde, tu sais, tu réfères du monde à des jobs. À un moment donné, il faut que ce soit gagnant des deux côtés. Il n'y a pas de salaire, mais il y a des avantages quand même. Oui, il faut que ce soit gagnant. En fait, c'est qu'il y a tout le côté expérience autour de ça. Si la personne, tout le long, tu lui donnes une tâche où est-ce qu'elle se fait engueuler puis elle se fait chialer dessus, qu'est-ce qu'elle va se souvenir? Même si elle avait été payée, elle aurait dit, m'en fous du 30$, du 50$ que je viens de gagner, je me suis fait chier à l'ouvrage. Ouais. J'en reviendrai plus. Tandis que peut-être que elle va le faire gratuitement, mais que tu vas l'avoir tellement reconnu, remercié, valorisé, demandé c'est quoi que ça a tenté de faire comme job. Tu veux la faire avec ton ami? On va la faire en équipe de deux. Pas besoin d'être deux pour la faire. C'est pas grave. Vous allez avoir du fun. Oui. Tu sais, il y a moyen de trouver le fun d'être bénévole au vestiaire parce que t'es avec quelqu'un mais qui t'a du fun. Tu jases en attendant. Puis parce que t'as du fun, ça se dégage aussi par rapport au public parce que t'as un meilleur service à la clientèle. Puis dans ce cas-là, peut-être que ça va t'aller sur le type aussi. Mais ouais, tu peux garder le type, c'est ça. Tout est interrelié, puis pour vrai, c'est à prendre en considération. Souvent, on est pensé à dire « Oh, on n'a pas d'argent, on demandera aux bénévoles. » Pense à une façon de les valoriser, puis pas juste une fois par année à ton party annuel, mais juste la gratitude quotidienne de reconnaître leur travail. La reconnaissance, c'est ça. C'est pas juste un gros merci à toute l'équipe. Exactement. Une fois, puis il faut que ce soit un petit peu plus personnel. Puis on a remarqué dans ces... Tu sais, là, je parlais du 75% des heures qui étaient par le 25% de toutes les mêmes personnes. On a remarqué aussi que les gens étaient beaucoup plus exigeants et que c'était une population aussi qui était de plus en plus éduquée, donc qui osait confronter l'autorité et faire des demandes, contrairement à juste appliquer ce qui lui était demandé. Les gens aiment prendre des initiatives. Quand t'es bénévole, ça veut pas juste dire que t'aimes te faire donner des ordres. Ça peut être faire partie des comités décisionnels pour faire avancer l'organisation. Tu donnes de ton temps, de ton expertise gratuitement. Et ça, d'être plus éduqué, ça fait avancer l'organisation parce que t'arrives avec des compétences, par exemple, de trésorier avec une formation de comptable. Mais il faut aussi prendre en considération ce que je vous dis. Si vous m'écoutez jamais, quoi ça sert que je sois ici? Je perds mon temps. Pourquoi ce temps-là, je vais aller le passer ailleurs. Un yes man. Exactement. Tellement. Donc, le « je » a remplacé le « nous », mais on doit vraiment... C'est pas négatif, c'est pas positif, c'est juste une nouvelle approche. Il faut juste savoir gérer avec. On a remarqué aussi, concernant l'aspect temporel, qu'on avait les TLM, toujours les mêmes, qui donnent plus d'heures pour compenser sur le même nombre de pizzas livrées. J'aimais l'exemple. Ah, merci. Mais on avait remarqué aussi une clientèle qui sont les parents. Les parents qui ont un horaire hyper booké, mais hyper instable entre leur travail, leurs obligations familiales et tout, mais qui ont un intérêt, une intention à aider. C'est des gens qui souvent sont à un âge qui sont encore en forme pour c'est pas nécessiter un 20 heures de sommeil par jour, qui sont encore actifs, qui veulent aider, mais parce qu'ils ont un horaire booké, ils peuvent pas te dire que tous les mercredis vont être disponibles durant leur année pour venir dans ton organisation. Ces gens-là, c'est du ponctuel. Es-tu libre samedi? On aurait besoin d'un 2 heures, là. Donc, c'est une autre approche aussi. C'est un calendrier plus difficile à gérer comme bénévole. T'as pas 4 bénévoles, t'en as 250 pour la même période. Mais pourquoi refuser des coups de main ici et là? À un moment donné, c'est ces implications-là qui vont se transmettre aussi familialement. Les 30 sous qu'on fait une pièce, les 30 sous. Exactement. Puis, ça, c'était le deuxième élément de l'environnement, les différents visages qui disaient, les visages multiples du bénévolat. Maintenant, le troisième était tout le côté équilibre entre les attentes des organisations, en fait, les attentes des bénévoles, puis les objectifs des associations. Les associations, les organisations arrivent avec une mission, doivent livrer financièrement, socialement. Ils doivent livrer quelque chose pour prouver aussi leur existence. Ils ont besoin de bénévoles pour les aider. Sauf qu'on a vu que les bénévoles sont de plus en plus éduqués, de plus en plus demandants. Et ça, ce que ça veut dire, c'est de prendre le temps, d'investir du temps avec des bénévoles, non seulement pour les connaître, répondre à leurs besoins, répondre à leurs questions, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, arrêter d'avancer sur ton travail qui répond à ta mission et t'asseoir avec eux. Puis il y en a beaucoup qui voient ça comme une perte de temps. Mais si tu avais un employé, il faudrait que tu le formes de toute façon. Oui, la menace de « t'es pas content, je peux te remplacer par quelqu'un d'autre » serait peut-être différente, Sauf que là, à l'inverse, faut pas oublier que le bénévole peut, lui, partir à n'importe quel moment. Rien l'engage. Lui, là, légalement, il y a rien qui l'engage. Tu peux être en plein milieu de ton rush de l'année. Si tu le traites mal puis qu'il décide de s'en aller, il s'en va. Ouais. Il s'en va, il revient pas. Mais le monde du bénévolat est quand même petit. T'sais, c'est grand, c'est petit. Le monde se parle. Fait que quand il demande hey, où est-ce que je pourrais aller donner du temps, wow, toi, t'as l'air de faire des implications qui sont le fun, il référera plus jamais cette place-là. Mmh. Des réputations de bénévoles. Ben, des ou réputations d'endroit de bénévoles, je pense que c'est encore plus gros que des réputations d'employés. Oui. Parce que on remet pas en question les compétences de la personne comme un employé que tu dirais, ben, gars, tu faisais peut-être pas la job ou tu sais, c'était peut-être pas une job adaptée à toi, t'en trouves un autre dans le milieu. Là, on remet en question une organisation, son encadrement, son côté humain. Faut sortir des fois des chiffres, faut sortir de la en respectant notre mission, mais faut prendre le temps humainement. Tu travailles pas avec des cannes de conserve qu'on replacera plus tard parce qu'on n'a pas le temps. Non, non. Faut que tu prennes le temps. Puis il faut que, autant que tu prennes le temps quand ils ont des questions, mais il faut aussi que tu inities ces prises de temps-là. Est-ce que vous voulez qu'on se rencontre cette semaine ou j'ai prévu à l'horaire du temps pour vous? Tu sais, puis pas juste du j'ai 5 minutes pour vous. On va prendre le temps qu'il faut. Il ne faut pas qu'il y ait de l'abus non plus de la part des bénévoles, mais je pense qu'ils sont là pour donner parce qu'ils croient à l'organisation. Leur but, c'est pas non plus de faire tout ralentir la roue. Fait que voilà. C'est vraiment les gens qui se proposent pour nuire. Oui. Tu te proposes pour aider. Non, exactement. Puis, mais en fait, s'ils nuisent, c'était pas dans leur intention première. C'était juste de mieux leur expliquer parce que peut-être qu'on s'était pas entendu sur la tâche. Ouais. Et c'est dans cette attente d'équilibre-là entre les objectifs des organisations et les attentes des bénévoles qu'on a de plus en plus l'utilisation du « faire avec ». Est-ce que vous connaissez ça, le faire-faire, le faire? Quand tu fais une tâche, tu la réalises. Oui. Quand tu le faire-faire, c'est tu le délègues à quelqu'un. Okay. Tu vas, par exemple, avoir un contractuel ou une délégation de la tâche. Faire avec, c'est dire on va travailler en équipe. Ah, d'accord. On va travailler en équipe, on est de deux mentalités différentes, on est de deux hiérarchies différentes, on va travailler ensemble. C'est, par exemple, de prendre en considération la vie des jeunes dans une école secondaire, la vie des employés. Travailler ensemble. Hmm. De briser cette hiérarchie-là quand tu devrais le faire avec pour mieux comprendre les besoins de tout le monde qui sont concernés. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qu'on recherche. Puis finalement, on disait qu'il y avait des outils disponibles autour de nous. Il y a différents outils. Il y en a deux qui nommaient qui étaient vraiment intéressants. Le premier que j'avais parlé il y a longtemps dans mes chroniques, le portail des bénévoles en loisirs qui se trouvait sur le site de l'Observatoire québécois du loisir. En fait, sur www.uqtr.ca. OQL. Sur ce portail de l'Observatoire québécois du loisir, non, mais tu sais, on est en heure de grande école, peut-être qu'ils ont noté. C'est ça, ben oui, dans leur retour. Papier crayon. Siri, papier. S'il te plaît, prends-moi une note. Siri, alors, sur le site de l'Observatoire québécois du loisir, se retrouve ce portail qui répond aux questions types. On a demandé aux organisations d'envoyer les questions qu'ils reçoivent, les questions auxquelles ils souvent ont de la difficulté à répondre, et nos professionnels y ont répondu. On fait des petites fiches, une demi-page, maximum une page, et c'est très bien vulgarisé, très accessible. Tu peux autant te donner une formation à l'interne de ton organisation. Et ça, ça répond aux questions. Fait que le bénévole peut avoir ses réponses, l'organisateur peut avoir ses réponses, tout le monde est content, puis s'ils ont d'autres questions, ben ils réécrivent, nos professionnels le réécrivent. Donc, on devient avec une banque de ressources. Et sinon, on a tout ce qui est des politiques dans les différentes villes, des politiques de reconnaissance aux bénévoles qui sont à développer. C'est pas parce que tu développes une année qu'elle est bonne pour la vie. Mm. Ils sont à mettre à jour, il y a différentes façons de les reconnaître, puis voilà. Voilà. Puis si je peux juste conclure vite. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est que souvent en tant que professionnel en loisir, là je parle de notre milieu, c'est certain, mais ça s'applique dans différents domaines, on est dans le système D. Système débrouillardise. On est porté à être là puis à éteindre des feux parce qu'on est dans le rush. Mais le but serait surtout de prendre le temps de voir c'est quoi la vraie problématique, les différentes causes, de trouver des solutions qui seraient plus globales, qui pourraient prévenir ce rush-là, mais qui nous permettraient de mieux intervenir. Donc, ça serait intéressant de pas juste éteindre des feux. Ah. Voilà. Hey Marlon, tu sais quoi la meilleure qualité d'un bénévole? C'est quoi? Sa disponibilité. Oh! Ben, j'ai déjà entendu ça comme blague, mais c'était entre bénévoles qu'on se disait ça. Ah! C'est correct. Tu fais du bénévolat? Oui, oui, oui. Tu fais du bénévolat? Non. Non. Qu'est-ce que tu penses que je fais à matin, non? Oui, je fais du bénévolat, je suis bénévole à temps plein. Exactement. Est-ce que tes parents faisaient du bénévolat pour toi? Pour moi? Mais mettons, tu faisais du ballet jazz, là, puis ils étaient... Mais mes parents... s'impliquent dans leur milieu, mais ils n'ont pas nécessairement suivi nos activités. Ils s'impliquent en général ici et là. Je pense que c'est très familial comme implication. C'est dans la mentalité familiale. Bon. Oh. Marie-Laurence Audet. Mathieu Plante. Le TLM de la place, tout le temps les mêmes. Marie-Laurence Audet, mon apprécie de t'avoir tous les jeudis à 8h pour la chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Merci. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Bonne journée à toi. Bonne journée. Dans quelques instants, ce sera Justine Renaud et sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Oh! Ça va être le fun, ça! À l'Assemblage Rocky, jusqu'à 9h30. Ça, c'est fou. Bonne fin, fin. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 22 janvier 2015. Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Justine Renaud s'en vient dans quelques instants avec sa chronique Justine Pertine. Salut, Justine. Hello. Ça va bien? Ça va bien, et toi, ça? Très bien. T'as l'air d'avoir froid. Oui, j'ai froid, je suis encore en manteau avec Mathieu et mon foulard, mes mitaines. Pas tes mitaines? Non. Menteuse! Ouais! J'ai pas de mitaines. Ben, c'est ça. Ok. Ben... mais tout ça pour dire que le froid, moi, ça concorde dans ma tête, ça s'agence très, très bien avec le carnaval étudiant qui a lieu en ce moment. Alors, regardons sur le grand tableau ce qui se passe aujourd'hui, jeudi. Il était une fois le carnaval étudiant. Une présentation du CAPS UQTR. En ce jeudi, c'est à 10h qu'on veut savoir si tu as tout rapporté de la liste d'objets faisant partie de ta quête. Ensuite, on te libère à 11h pour que tu ailles à la kermesse. À 13h, tu pourras faire quelques pirouettes acrobatiques avec ta planche à neige ou tes skis sur notre mont fait maison. Tu sais mettre ton oreille dans ta bouche ou t'as des dons comme savoir à quoi pensent les chaises? Viens nous montrer ton talent et voir ce que ton coéquipier de classe te cache dès 15h. Sors ton afro et viens créer... Oups! Sors ton afro et viens faire un tour à la Roulatech qui se déroulera de 16h30 à 18h30. Par la suite, tu te dois d'acheter ton billet pour la Shop d'or dans le hall d'entrée, car c'est certain, tu viendras boire à la santé de tes amis à 21h30. Au Carnaval étudiant, viens créer ta propre histoire. Et c'est ce qui s'en vient aujourd'hui au Carnaval étudiant 2015. C'est le moment d'accueillir Justine Renaud. Voici Justine Pertine. On s'était ennuyé de cette chanson, non? Hein? Ça faisait quoi, un mois? Ah, ça faisait longtemps. Ah, j'en ai des frissons. C'est parce qu'il fait froid, probablement. Tu t'en es tiré l'élastique tellement que tu l'as pété, tellement que... C'est pas moi qui ai pété l'élastique du micro. Non, hein? Non. Je suis pas responsable. Moi, je fais tomber les micros parce que les vis sont slack. Une vis slack. Une slack. Mais est-ce que c'est le froid qui cause ça, tu penses, des élastiques cassés? On sait pas, c'est ta thématique d'aujourd'hui, le froid. En fait, je vais vous dire, c'est probablement parce que dans la pièce qui est assez petite, il y a des ordinateurs, puis il y a aussi d'autres, dans le fond, des appareils électriques et électroniques qui créent à la fois de la chaleur et aussi un peu d'ozone, toutes sortes de choses qui font vieillir les élastiques. C'est sec, hein? Ça rend les choses secs, mais ça fait vieillir prématurément tout ce qui est en caoutchouc. Ça, okay, pour dire que... Donc moi, je suis correct, c'est ça. Ça dépend. On parle de ton tailleur? S'il te plaît, non. J'aimerais mieux pas. Stéphanie! Non, mais c'est correct. C'est pas fin, c'est, ça, hein? C'est pas fin. C'est correct, s'il est type, il pète, il n'aura non, plus. Il va tout craquer, ça va être dégueu. Mets-toi de la crème. Oh, mets-toi de la crème. Je pensais pas vivre ça matin, moi, là, les commentaires sur mon blog. Mais aujourd'hui, on va pas parler du tout d'élastique, de micro, de radio. Non, non. Aujourd'hui, on va parler du fait qu'il fait froid et, en fait, des règles qui font en sorte qu'il fait froid dans la nature. Ce sont les lois de la thermodynamique classique. Oh, OK. Si. Donc, si, brin d'acier. Comme non, la princesse. Ouais. Non, la princesse, si, Colin. T'as le groupe de musique CCR. CCR, oui, probablement. Pas rapport. Aucun. Or, pour nous garder au chaud, on va parler de thermodynamique ce matin, mais attachez votre tuque, littéralement, parce qu'on a vraiment de la matière à voir. Tu l'as gardé d'ailleurs sur ta tête, c'est justement pour ça. C'est vraiment important. Je vous dis, là, vous allez, votre brain va fryer, pour dire ça en très, très bon français. Ouais. Fry the brain.

Ah, fait que ça change rien. Depuis 8h30. Ben non, c'est mieux, là. Mais je veux dire, après, ça me prend 45 minutes, ça me prend une demi-heure. OK. Faire le trajet qui devrait me prendre 17 minutes. Ouais. On a changé la case horaire de Justine, pour ceux qui n'ont pas remarqué, parce que ça fait comme un mois qu'on n'a pas eu de chronique, de toute façon. Excusez-moi, la semaine dernière, j'étais à Ottawa, puis la semaine d'avant, je n'existais pas. Ah. Ah, t'étais pas née? Non, j'étais juste trop dangereux avec des. Une semaine était pognée, une semaine était pas née. Ah. Une semaine est taponnée. Je suis taponnée. C'est cette semaine que je suis taponnée. Je pense que t'es dû pour être taponnée. 9h30, tantôt. Non, la chronique revient la semaine prochaine, jeudi à 8h30. Dans deux semaines, excuse-moi. Dans deux semaines. Merci, Justin. Si, senor. Caliente. Bye. Repose en paix. Ça s'en retourne mourir pour renaître plus tard parce que rien ne se perd, rien ne se crie. Alors, on prend une pause au retour, c'est le poste d'écoute d'Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis. Uh-huh. On va découvrir de la nouvelle musique parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais la musique, elle peut se créer. Hein? Parce que ce n'est pas du recyclage, c'est de la nouvelle musique qu'on écoute tantôt. Mais c'est les mêmes notes tout le temps. T'as raison là-dessus, par contre. Ça défait tout. C'est vrai. Mais pour l'instant, c'est l'Info Campus. Fou de merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 96. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis en ce jeudi matin. Il nous reste une vingtaine de minutes environ avant la prochaine émission qui est Génie en liberté à 9h30. Mais avant ça, c'est le moment d'aller dans la discothèque de C'est fou, mettre notre petite lumière sur le front puis affronter le front froid du poste d'écoute. D'écoute. Bienvenue, chers élèves. Qu'est-ce que c'est ça, le poste d'écoute? Ça, là, ouais, je mets ma petite lumière dans le front. Ouais? Hey, j'en passe, j'en ai une dans ma table de chevet. C'est super pratique. Cool, un front? Moi, c'est ça, j'ai un front de 6 pieds, fait que j'en mets une partie dans ma table de chevet. Pis là, je m'en vais dans la discothèque de C'est fou. J'écoute plein d'affaires. Faut que tu rentres tellement qu'il y en a, hein? Ouais, c'est terrible, c'est un petit cubicule, pis tout, là, pis là, t'es comme... T'es un peu comme dans le rack de DVD à 5$ au Walmart, tu nages d'un CD de même, là. Ouais, il y a majoritairement de la scrap, mettons. Pis à un moment donné, t'es oh, ça, c'est un bon film! Hey! Bon. Fait que, oui, aujourd'hui, moi, je vous présente l'album In the AM Wild, ou Dans les matins sauvages, de la formation de High Dials. Donc, The High Dials, c'est un band de Montréal formé de Trevor Anderson, qui chante et qui écrit les chansons, et Robbie MacArthur à la guitare. Et cette formation a été fondée en 2001. Donc, quand même, là, ça fait longtemps que ça run, cette affaire-là. Oui, ça roule sa bosse. Donc, leur musique est teintée de psychédélique, d'électronique et de folk rock, mais firmement enracinée dans une approche pop intemporelle. Pop intemporelle. Donc, le groupe revient d'une belle tournée quand même au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis. Donc, Allo l'International. Worldwide Edition. Donc, vraiment, vraiment le fun. Et je sais déjà que vous êtes super impatients. Vous voulez entendre, mais de que c'est ça? Et on s'en va entendre tout de suite, immédiatement, là, une première pièce. Et c'est effectivement la première pièce de l'album. C'est Echoes and Empty Rooms. Ça te dérange pas que j'ai attendu que t'aies fini ta phrase avant de la partir, même si tu disais là maintenant? C'est sur la porte, puis on parle par-dessus. Ah oh, non, c'est correct. C'est je respecte ce que tu fais. Oui. Et l'art de The High Dials dans le poste d'écoute. À son match. c'était Desert Tribe de High Dials. Oui, c'est ça. Et tout juste avant, c'était Echoes and Empty Rooms. Et tout ça, c'est dans le poste d'écho d'assemblage requis. Effectivement, c'est vrai. La pièce 2, actuellement, un coup de cœur. Oui, c'est la meilleure jusqu'à maintenant, des deux. Les autres ont quand même un défi à battre, Limbo Style, de passer en dessous du bâton. Oui, c'est ça. Donc, The High Dials en sont rendus à leur cinquième album quand même. Donc, on a en 2003, c'était A New Devotion. En 2005, ils ont sorti War of the Awakening Phantoms. Oui. Phantoms. Ensuite, en 2008, Moon Country. Et en 2010, je suis pas sûre si je m'en souviens, Anthem for Doom Youth. On me demandait tantôt comment ça se dit Youth. C'est Youth. Youth. Ah oui, tu parles d'un mot bâtard, toi. Mais ça. Donc, en plus, Doom Newt, ça se dit vraiment mal. On dirait un triton, c'est un Newt. N-L-W-T. Ouais. Oui, donc l'album In the AM Wilds de High Dials sera lancé le 3 février 2015. Donc, c'est une exclusivité, c'est fou. On dit une exclusivité exclusive, c'est fou. Ouais, non, tu connais pas mes formules. Non, mais c'est parce que justement, c'est les tiennes. Ah, ok, t'es fine, t'es fine. Je voudrais surtout pas te plagier. Non, c'est ça. Je vais pas copier ton plagiat. Donc, cet album est un bon investissement parce qu'il regroupe un impressionnant 14 pièces. Ouais. Quand même, donc, c'est... Il y en a pas mal. Et probablement que ça va t'intéresser parce que le reste, je sais déjà, tu t'en foutais un peu. Tu t'en torchais. Arrête. Non, mais en 2014, leur pièce Uruguay a joué dans la série House of Cards. Wow! Tu sais, la série de Netflix que t'aimes plugger vraiment souvent, je sais pas pourquoi, mais t'aimes vraiment ça, plugger cette série-là. C'est une des séries originales de Netflix, il y en a pas tant que ça. Donc moi, t'aimes ça, plugger cette série-là. Je l'ai pas regardé, en fait, c'est mes collègues en parlent beaucoup. Non. Ben là, on n'aura pas le choix de l'écouter, je pense. Ben ça. Voilà. Mais bref, The High Dials a une pièce qui a joué dans la série. Je sais pas à quel moment. Tu sais pas laquelle. Ben, Uruguay. Ah, oh, c'est ça, Uruguay, tu le sens, toi. Ben c'est ça. Mais je sais pas c'est quand, fait que faut l'écouter puis faut reconnaître la voix. Okay. On écoute deux autres pièces, qu'on a le temps de faire ça là. On s'en va là maintenant écouter deux autres pièces et c'est très simple, hein. On continue l'album, on va écouter la piste 3 et 4 et on commence dès maintenant avec Yestergraves. Donc passe d'écoute, c'est d'assemblage requis. Yeah. Impossible Things de High Dials, et tout juste avant, dans le même bloc, c'était Yester Graves. Et tout ça, c'est tiré de l'album In the AM Wilds. Et voilà, c'était le poste d'écoute pour aujourd'hui. C'était le poste d'écoute, parce que là, c'est fini. On fait le poste d'écoute les jeudis à 9h. C'est tout pour Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Oh non! Pour la semaine! Mais nous serons de retour lundi avec une toute nouvelle édition Assemblage Rocky entre 6h30 et 9h30. Dans quelques instants, ce sera Génie en liberté, l'émission de politique, entre autres avec Samuel Girard et sa collègue Stéphanie. Une deuxième Stéphanie. Oh! Elle vole ton nom. Non. Ensuite, le dîner de con à 11h, créateur de son à 13h, palmarès du monde à 16h, une rediffusion du Mathieu Plante Show à 17h, à 19h, c'est 13 étages et 21h, Radio Sonic, on se quitte avec Machine Géante et la pièce Veuve Noire. Merci, Steph. Merci, Mathieu. Merci, Marie-Laurence Audet. Justine Renaud. Laurent Constantin. Puis vous, d'avoir été là, les requins. Oui. Bye. Salut.